c'est dans la zone. Ouais. Les cousins sont pleins de mon frère. Tu mets des couteaux dans le dos. Ouais. Du joule. Ok. J'ai passé beaucoup de temps à parler déjà à nous. Si je t'aime pas, c'est que t'es comme eux. Mon poteau, j'avoue. Et quand on voit de monde à Gibbs, on croit que le monde est à nous. Ces bâtards connaissent pas mes épreuves. Ils disent, mais pourquoi pas à nous? Je suis désolé, mais je peux plus zoner. Je peux plus missionner. De toute façon, ça vient plus me sonner. Mais on m'avait prévenu sans déconner. Nia, tu connais, je fais pas le gros bonnet. Vous voulez mon buzz, venez, prenez. M'en fous, je te promets, je suis là honnête. Je redonne quand on m'aide. L'OVNI, la comète. Ils font les shows, mais c'est des gros comiques. Renie pas la famille, c'est la première règle. Ok, ça fait. Fais-moi le max, t'agresse, hein. Touche-moi, moi, je te crosse, hein. Tu parles mal à temps, je te croise, hein. Bâtard, je vais te faire une crise. Dans le game, on cross volé. En bas, je vais les gazonner. Pas d'équipe, pas de pistolet. Je suis plus boycotté que pistonné. Mon sang, rembourse tes dettes si tu veux mettre en paix ton âme. Tu fais rien de ta vie, après tu te plains, t'as pas la Daytona. J'ai percé, c'est beau, mais je peux pas claquer tous mes dollars. Je suis entre quatre murs, gros, je perds mon temps comme un tolard. Et je suis un peu en colère, parce qu'il y a que des connards. Ils m'en veulent comme des commères, envie ma vie de zonard. Ils disent que d'or et de platine, ils disent que d'or j'ai tartine. Ils disent que je vois avant de partir, moi c'est l'avenir du quartier. Je fais mes billets, je veux pas briller, tu me fais pas crier. T'es choqué quand tu vois mes clips, que des têtes de meurtriers. Le 1-3 c'est grillé, que des têtes dans le cendrier. Tout le monde le sait, dans la ville c'est chaud, même en février. Ils ont même pas le cheval, ils veulent mettre le pied à l'étrier. Ça m'en fait des crasses, les poteaux, il a fallu les trier. Moi c'est Joule, 1m76, 85 kilos. Je me sens comme un mec Nia, devant plein d'enculés. Les impôts vont prendre coulo, nix qui veulent me voir couler. Vous avez pas la recette, alors chez Coffin vous m'en voulez. J'ai pas fait de promo, j'ai refusé toute la presse. Mais tous la famille, la détente ça la presse. Et j'suis fait pour ça gros, j'fais que bosser. J'ai sorti le CRF, là bientôt j'vais grosser. Moi c'est doré de platine, tous les mois j'ai des trophées. J'continue à faire des albums même si j'en ai trop fait. Et dans le game j'envoie des passes, des comme un MOC. Dans la soirée j'fais glisser ta team comme mes utosiles. À dire j'ferai des soirées, en vomir sur la chaussée. J't'ai fait du bien, tu m'as tourné le dos, il fallait oser. Dans l'appart un coffee shop, à la tourcée. J'suis parti toucher au nord, le jobber il s'est fait courser. Et ce son là c'est pour ceux qui font le signe même en poursuite. Et je me rappelle un chien, je prenais deux sandwichs pour Suisse. Que ça, c'est bizarre, que passo hermano. Je fais le signe double, j'ai le bac sur les doigts de la mano. Tu vois pas, je suis libre, je respire. Un peu comme Britney Spears. Et moi, je suis plein d'espoir, un peu comme un joueur des Spurs. Je vais leur faire la BZ, un peu comme Marco Mouli. Tu veux que ça soit ton plan cul, ben faut que tu la Marcoli. Eh, hey, qu'est-ce que t'as craqué? Tu me fais l'ancien pour une photo. Et si tu me blesses, je suis plus là. Demande à mes anciens potos. Eh, hey, qu'est-ce que t'as craqué? Tu me l'œil quand il lève la moto. La vie c'est réel, gros. Sache que la route tourne. Et y'a pas de 6-6-6. Faut que tu reçois 5 sur 5. Mon pote, il a trop de soucis. Que il fume sèche sur sèche. Souvent, je top 7 sur 7. Faut ralentir, je sais. D'esquiver ce qui m'ont blessé. Le sang, je te jure, j'essaie. Sans avoir sué. Tout le monde veut monter de galon. Les petits Matrix, même CR7, t'as pas touché autant de ballons. Sans un peu dans le salon. Zigzag, coup d'embrayage, brum, ça lève Vistrom jusqu'à Salon. Nous, on se montre pas, non, on se montre pas. Et quand on donne, nous, on compte pas. Faut que je me taille, loin, aux Pays-Bas. Retiens bien, faire la misère aux gens, ça paye pas. Et quand je vois les Schmitt, là, mon cœur y bat. Fais le show sur les réseaux, mais après ne pleure pas. Et je connais des ex-tolars, ils cuisinent mieux que des chefs custos. Ils viennent de découvrir la vie, se prennent pour commandant chef custo. C'est ton oncle le show, tiens là, tu me fais le napolitain. Tu fais le voyou avec ta mère, nous on va t'apprendre la politesse. Ils font des débats sur moi, disent que je touche tant par mois. C'est jaloux, ils ont rien fait pour, ils disent toujours pourquoi pas moi. Quand on parle business, c'est Jules, quand on parle vraie vie, c'est Julien. Je galérerai plus qu'eux, maintenant ils me critiquent parce que je suis bien. Et mon sang, moi ma vie, c'est mon sang. Dis ce que je ressens, je retranquais les émotions. A 24 ans la Ferrari, mon pote il voulait faire la ra. Dieu d'amour quand ma perle arrive, gros ça sent la weed dans l'appart. Dis pas mon frère, dis pas Harry. Dis pas Harry, dis pas Harry. Je te sens focus quand j'arrive. Quand j'arrive, quand j'arrive. Dis pas mon frère, dis pas Harry. Dis pas Harry, ça fait. Petit un chien dans le bloc, maintenant mon partenaire c'est Reebok. Je fais des pubs et je prends des chops. Dédicace à AMLock. Dédicace à AMLock. Ça fait, hein. Ce soir c'est samedi, j'écris sur un parking. On cherche à savoir le poteau, il s'est fait baiser par qui. Du jaune dans la parka, regarde le parcours. Je fais pas de nouveaux amis parce que les gens je les connais par cœur. Calé dans la zone, premier contrôle c'est pour nous. Wesh la team Jules, si je suis encore là c'est pour vous. Ça m'a mis des bâtons dans les roues, hein. Pendant que mon sang est tourné dans les rues. J'habitais loin des riches, j'ai des photos souvenirs dans ma galerie. Tout moi et mes potos, ouais, tous en mode galérien. Et je m'en bats les reins, des embrouilles et des histoires qui valent rien. Vive les temps où je faisais la mala à la palmerie. Nique les palmarès, Dis-toi que je vais faire du sang jusqu'au jour où les balles m'arrêtent. C'est plus pareil, j'ai fait le tri, moins de paro, moins de paranoïaque. J'ai jobé toute l'année, poteau en voile tarot. C'est pour la Mara, pour ce qu'il mérite, pour ce qu'il met drôle cross sur le périph, pour ce qu'il fume la frappe du riff. À Marseille, on écoute du loot. Loin de faire les stars, loin de se la péter, loin de vendre du rêve, ouais ma ville me connaisse. Ils savent que je m'en bats, moi c'est l'indépendance. Montre le sens, t'entends pas, gros, j'trouve squatté en bas. Seul ou en bande, et j'ai tellement taffé que j'ai pas eu le temps de me prendre des gants en basse. Le temps passe, j'perds des potos, tant pis. Et c'est pas parce qu'on se parle plus que j'vais te mettre au tampon. Qu'est-ce t'en penses? Ça sert à rien de faire le yambou. En moto, j'suis tellement levé qu'en freinant, j'ai niqué le tambour. Et crois pas que j'te cambou, j'ai niqué le pare-boue. J'en passe sous barbale, gros, j'suis tranquille partout. C'est pour ce qu'ils se font perquise, pour ce qu'ils se font embarquer, menotter, pour ce qu'ils passent au parquet. Et par contre, j'vais pas reculer, j'vais mettre tout partout. J'suis pas le king comme d'hab, j'fais preuve de bonté comme Kanté. Et si je me fais contrôler, c'est pour faire la teuf avec les condés. J'ai des potos, ils te niquent ma mère, pourtant ils sont pas costauds. Que des têtes cassées, ils se font recal quand ils accostent eux. Tu me fais gamberger et tu te demandes pourquoi je suis pas content. Tu sais, heureusement qu'il y a un cœur en or sous la coste. J'ai la vision comme Zizou, j'suis plus de Sassem que Zazie. Chante mes problèmes de rue, j'fais danser la bourgeoisie. Hein, j'suis dans le RS7, grosse bandit dans le secteur. Le bruit du moteur, il fait peur. Et nickel game, quand j'suis fait pour eux, tu te plains de ton parcours. J'crois que j'ai fait pire, mais à chaque fois que je fais des planètes rap, gros, j'ai les fait taire. Ouais, un peu de belvédère, j'espère que tes bébés me levaient tard. On n'est pas profiteur, on n'est pas trop fêtard. Mais tu spits, je répare, si t'es un chien, j'te dépanne deux ou trois pétards. J'ai creusé l'écart, et gros, moi je suis resté vrai depuis le départ. Je zoome, tu verras David, j'suis pas trop soirée guetta. J'passe devant les bottes en voiture et j'écoute du reggaeton. Hein, et j'vois des vendettas, et j'en connais qui vendent des tas et d'autres qui vendent des tonnes. Ça vend de tout, posé devant la caisse, gros, on déconne. On est pisté vélodrome. A dire que j'ai rempli 60 000 au vélodrome. Si j'entends les chiens qui crônent sur le chrome, à chaque fois qu'ils se manquent, je les crame. Ils ont les crocs et quand ils mentent, c'est vrai que je les crois. Mais j'ai tout le temps de l'avance grâce à la vie de la street. Tu fais des sous, tu perds tes potes, c'est la vie de la street. A dire que tu prenais le bus et le métro. Moi qui croyais que les gens chez moi aimaient trop. Faites des poussettes, m'en fous, je vais pas sortir le métro. Je vous mens pas, je peux plus me voir les gens qui me font les gros. Et depuis le début, je débute, je rappe comme si je débute. Je t'en fais la moitié de ma vie, va pas faire falloir qu'un jour je déguste. Et ça sert à quoi de faire des sous aujourd'hui si tu plaques tout demain? J'aurais pu finir comme la plupart, mais moi j'ai mes deux mains et mon cerveau. Il coûte plus cher que tous tes immeubles. Sache qu'en faisant un showcase, je peux sortir une Audi 9. Course poursuite, là je suis en scooter, je passe par le trottoir. Je vois les vues de la veille au bar, tout choqué au comptoir. C'est l'été, y'a plein de gens enfermés, au beau mettre au pointé. Des gens qui sont pas pressés de sortir, trop d'histoires à ne plus pouvoir les compter. Et au beau mettre, c'est bandé, nique les bandés. Bientôt la sortie, c'est bandel, gros. Faut pas te faire planter, t'es dégoûté. Parce qu'à la matin, elle te faisait bander. Je me rappelle quand y'avait personne qui me répondait. Un chien, quand ça m'envoyait ce répondeur. Ils sont jaloux, ouais, parce que je suis gros vendeur. Font les shows de la street, mais c'est des gros vendeurs. Je me rappelle, y'avait personne qui me répondait. Un chien, quand ça m'envoyait sur répondeur. Ils sont jaloux parce que je suis gros vendeur. Ils font les shows de la street, mais c'est des gros vendeurs. 3-10 au compteur, j'avais besoin d'un bol d'air. Là, je passe vers Colbert, et j'ai pas de revolver. Gros, 4 parents, faut le faire. Et nique les faux frères. Et nique ceux qui font des poussettes, qui disent lui, faut le faire. Ils disent il faut fuir, gros, éviter le four. Faut rester fort, ça fait. Du the best, the best. En fumette, j'arrive en guest. J'ai vu la vie de mon pote, son destin. Lui, c'est mensonge, t'incules, tu le testes. Maman, si t'as pas la folle dans la cité, ce que tu dis, ça se dit pas. Ce que tu fais, ça se sait, tu sais. J'ai des soucis, je vais pas me prendre la tête avec ça. J'ai loué maison avec Jacuzzi, je rattrape le temps avec Teresa. Tu m'as blessé, mais dis pas désolé. À cause de toi, toute la nuit, j'ai pensé solo. Gros, je t'aime bien, mais je vais jamais te coller. J'ai un cœur en or sous le polo. Je vais faire rien avec elle. Je m'énerve quand elle fait sa belle. Je suis au studio toute la nuit. Elle boude quand je rate ses appels. Faut pas reprendre quand t'as donné. Faut apprendre à pardonner. T'inquiète, y'en a sous le bonnet. J'suis en fumette, j'suis pas ballonné. On dirait ils ont peur. Je vois les gens se taire. Mon poteau c'est dans la rue. Pas sur net qu'il faut faire le gangster. J'ai fumé la lemon pie. Ça m'a fait tourner la tête. On est parti, on a fait un tour en ville. On a vu les gens faire la fête. Eh ouais, ma race. C'est pas ma face que plus le même. Et je te mens pas, c'est carré. Depuis que nos chemins sont séparés. Eh ouais, ma race. A dire je t'appelais le sang de la veine. Mais bon on s'est bien marré au quartier. On a fait les tarés. J'ai le cœur brisé. J'perds les potes comme les briquets. Pas de maison de disque. Toutes les portes je les ai criquées. J'perds les potes comme les briquets. Pas de maison de disque. Toutes les portes je les ai criquées. Déjà ils m'en veulent. Je le calcule pas alors tu friquais. J't'en taillé de vivre ici. Ça devient compliqué. J'ai pas tiré sur la beurre. Rien que la fumée elle m'a niqué. Frérot arrête. Tu c'est une folle aux gens si tu l'as paniqué. J'crois au bon Dieu pour ça que je tombe pas proliqué. J'suis pas du genre à montrer devant les gens polémiqués. Miss, casse tes valeurs, c'est seul boule à Niki. La mif c'est la mif, soudé comme les piki, hein. Soudé comme les piki, hein. Putain, putain, si les flics m'avaient vu, j'étais sans carte sur l'autoroute. En crabe sur la bande d'arrêt, j'ai fait zigzag sur un deux roues. Poto, j'traîne plus dans la rue, j'reste avec mes potes. pas, tu fais des tours de moto. Je vais voir ma mère, je vais prendre ma bûche. Il a fait des sous, il s'est fait menotter. Mais il s'est fait donner par la voisine d'à côté. J'entends des bruits bizarres, là je suis avec ma beauté. Je deviens parano, je crois qu'il me faut le coq à côté. Tu sais, moi je ferme la bœuf, couleur carte vitale. Ici ça veut la recette, quitte à se manger 10 balles. Et tu sais très bien que nous ce qu'on fait, on dit bas. Et quand tu te manges la peine devant la juge, tu deviens tout pâle. Et je connais des gens qui ont coulé. Moi mettre bien les gens, c'est ce que je voulais. Je supporte pas les gens qui font tuber. Ah, ça fait, écoutez, ça fait. Ils font semblant qu'ils soient avec toi dans les histoires. Et quand ils se retrouvent seuls, avec eux ils font les suceurs. Putain ça manque, les bagarres du samedi soir. Jaloux, viens me voir en face au lieu de chanter sur Twitter. J'arrive en moto, je dis, moi qui a connu laser. Fais-moi le match, t'incule, poteau, balayette laser. Je me lève de bon matin, nouvelle bouche à la patère. Un bâtard, il me coupe la route, BG, j'ai insulté ta grammaire. La vie m'a mis des coups de coude, mais je suis toujours resté debout. Ouais, t'as la zone, j'ai fait des tours, j'ai fait toucher le garde-boue. Et les fils de que ils parlent, ils font pas beaucoup. Que ils chantent, micro, ils vont pas au bout. Ouais, genre pour toi, il fait la guerre. Il a pas un, il est par terre. S'il voit que tu fais plus de sous que lui un jour, c'est lui qui voudra te faire. Ce soir, ouais, je fais la fête. Je vais pas me prendre la tête, mais je fume trop, faut que j'arrête. Elle part trop vite la plaquette. Dis bonjour à l'alien, la verdure dans la boîte à gants. Sur le terrain, je mets des crochets, je parle la carrure d'un attaquant. Donc ça me joue du violon. Et je parle pas de musique, c'est pour les fous du volant. Qui dorment avec un fusil, vous faites les fous, je suis seul, je reviens. Je parle pas de machine, je préviens. Ça joue avec mes nerfs, je sais bien. Mais y'a un beau Dieu, gros, c'est rien. Pour pas faire chauffer. Vend les gens, ça m'appelle Karim. La vie, elle a du goût quand je fume la cache strawberry. Avant de percer, je venais de quitter l'intérim. Le centre, elle a tout niqué, faut péter le tempéri. Ça se rapta, ça dit, je sais plus qui je suis. Ça fait des love comme Michou. Ici, le silence est d'or, tu parles, tu peux finir dans un Michoui. Dans le game, je suis choquant, comme boire une grosse sur la canne de bière. Tu parles de faire des gens, mais t'as même pas de verre. Continue à faire des films, t'aurais pu jobber sur Netflix. Maintenant, les bons, ils se font rares, comme les autres Netflix. Et quand je suis en clair, elle me calcule pas. Quand je sors le monstre, qu'elle me fixe. Après, elle m'envoie des DM quand elle me voit passer sur M6. L'union fait la force, ranger les Kalachnikov. Y'a des belins dans la zone, aujourd'hui je suis riff, avant j'étais pauvre. Et dans 3 ans je suis off, faut bien que profite de la mif. Elle me coupe la route, elle me fait la mac, en plus elle veut me ramener son bof. Je fume même pas à Notre-Dame le soir quand j'ai plein de soucis. Je mouille de ma tweet comme un gars Yougendouzi. Aujourd'hui c'est moula moula. J'suis pas en boîte de nuit mais y'a mes sons qui tournent, tournent. Ok, ça fait. Avec les têtes cassées qu'on a, je crois qu'au barrage on passe pas. En plus j'ai un peu de shit de la fontaine collé sous mon passeport. Faut faire demi. La garde à vue c'est le goulag. Mais bon tranquille, je suis avec un pilote qui conduit mais quand il tire de l'âge. Toute la semaine je change de lock. Toutes les 2 semaines tu changes de pote. On dirait que je suis à Los Angeles alors que je suis sur la côte. Dans la zone c'est danger. Même les gars d'y élèvent. Mon sang cherche pas à me cacher. Je vais te ramener ma lip QLF. Quand je passe dans la zone, ça crie joule. Et quand j'annonce une date, 3 jours après c'est fou. Là l'ancienne c'était bandel. J'ai fait plus de 38. À l'ancienne c'était bandel, j'ai fait plus de 38. Tu m'as sali et j'ai rien fait, j'étais pas sorti le P38. Je fais gaffe à qui je parle, gros j'fais plus confiance au pute. C'est malheureux mais y'en a qui partagent et qui attendent ta chute. Posé dans la suite, j'mets la chaussette, fume la weed. A tous les ans j'parti et rip et j'réponds plus quand ça m'bip. J'cogite, dans le BM on j'gite. Sous peu j'arrête le shit, shit. J'mets tout dans le grinder, même plus j'ai frites. Au fait, j'arrête de me prendre la tête. C'est que jamais j'me la pète, c'est que mon vécu vient de la thèse. Si t'as faim, gros, j'te donne, y'a pas que j'te prête. Je dis rien mais gros, crois pas que je suis bête. Hein? Y'a rien que je fais que j'assume pas. Et au fait, je fais du